Bonjour. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là. Je vous en mets combien? Comme ça? Un peu moins. Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'y suis là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui. Alors, 11,47 €. Tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.